si j'étais arrêt. On se pose au bord de la jetée. Je vais la protéger comme végétarien. J'ai ma bulma dans le golf GT. Je suis paro, j'ai fini la bouteille. C'est des comiques, laisse-les enquêter. Je vais te protéger comme Végéta, ouais. On est chargé dans le golf GT. Ouais, y'a ce billet bleu comme tes deux yeux, ouais. Je vais t'oublier, je n'ai que nous deux, ouais. Je donnerai tout pour toi, fais-moi sourire. C'est quoi qui t'inquiète, j'ai l'air insolite. Au petit matin, tu m'attends, tu m'appelles toute la nuit, je veux pas te remballer. Faut pas que je te montre que je te m'étonne, sinon tu risquerais de t'en aller. Ah ouais, gros, elle m'a touché en plein cœur. Je dois sortir, j'attends que tu t'endormes. Tu m'aimes, mais j'en demande encore. Est-ce que tu te sens prêt à la vie? Je t'emmène loin, ma bulle. Je t'emmène loin, ma bulle. Je t'emmène loin, ma bulle. J'avoue que devant toi je suis admiratif. Elle a visé dans le mille, elle m'a pas raté. Pour elle j'ai dû claquer comme Emirati. Là je suis tapis. T'inquiète, je vais me refaire comme Bernard Tapie. De toute façon j'en ai rien à faire de ce papier. Tant que je sais que ton cœur il m'est acquis. Je dois avoir ton number. Tu vas glisser tout de suite, ouais. Je vais me glisser dans le cœur. Je vais me glisser dans tes rêves. Baby non, on t'en va pas. Je te vois dans mes rêves. Baby non, on t'en va pas. Tu vas soigner mes plaies. Ah ouais gros, elle m'a touché en plein cœur. Je dois sortir, j'attends que tu t'endormes. Tu m'aimes mais j'en demande encore. Est-ce que tu te sens prêt à la vie? Je t'emmène loin ma bulle. Je t'emmène loin ma bulle. Je t'emmène loin ma bulle. En plein cœur, je dois sortir, j'attends que tu t'endormes. Tu m'aimes mais j'en demande encore.